Chapitre 2e. Enfant de la patrie. Tôt, un matin, Garimond entre à la boulangerie en tenant un sac en main afin d'acheter du pain. Il est très surpris de trouver Akli derrière le comptoir, seul, totalement désespéré et les yeux baignés de larmes. « Qu'y a-t-il donc ?» lui demande Karim. « Qu'est-il arrivé ?» Le boulanger, trop abattu, ne parvient pas à parler. Karim insiste avec délicatesse. « Akli, s'il te plaît, dis-le-moi. Tu sais que je suis ton frère. Allez, parle. »« Justement, » parvient à balbutier le boulanger, « il s'agit de mon frère cadet, Mohand. »« Que lui est-il arrivé ?»« Il vient de me quitter. »« Quitter, pourquoi ?»« Je l'avais envoyé pour acheter une bouteille de gaz. » Quelques minutes après, il est revenu tout rouge de colère et d'indignation. Sans rien me dire, il allait ouvrir la caisse d'où il prit de l'argent. Akli raconte le dialogue qui s'ensuivit. « Je m'en vais !» déclare sèchement Mohand. « Je retourne chez mes parents en Kabylie. » Totalement surpris, Akli demanda. « Pourquoi? Que s'est-il passé ?» Mohand ne répondit pas. Akli s'approcha tout près de lui et insista avec gentillesse. « Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-il arrivé ?» « Ce qui devait arriver un jour ou l'autre, » affirma Mohand avec rage. « Quoi ?» Mohand demeura muet, bouillonnant encore de colère. « Quoi ?» le supplia le frère aîné, toujours avec prévenance. « Mohand, mon frère, je te prie de te calmer un peu et de me dire ce qui t'est arrivé. »« Tu ne le devines pas ?» objecta le frère cadet, encourageur. « Tu ne devines pas ?»« Non. »« Où sommes-nous ici ?» relança Mohand. « Comment ça, où sommes-nous ici ? Je ne comprends pas. » Mohand fut secoué par une violente expiration. Akli patienta. Quand l'autre parvint à maîtriser suffisamment son indignation, il raconta. Dans la rue, déserte à ce moment-là, Mohand fut abordé par un jeune intégriste islamiste reconnaissable à son accoutrement. Ce dernier l'apostropha ainsi. « Alors, Kabil, quand retourneras-tu dans tes montagnes parmi tes chèvres dans ton pays ?» Mohand fut tellement choqué et indigné par cette insulte qu'il s'immobilisa, sans savoir quoi répliquer. « Tu m'as entendu, tu as compris, Kabil ?» En bail de fureur, Mohand se précipita sur le provocateur. Une lutte féroce s'engagea, très violente, impitoyable, à coups de poing, à coups de pied. Les deux lutteurs étaient à peu près du même âge, de la même force physique. Quelques hommes apparurent dans la rue et intervinrent en parvenant à séparer les deux combattants. À la fin du récit de Mohand, son frère déclara « Tu as eu affaire uniquement avec un idiot, un provocateur. » Tu sais bien que les intégristes islamistes, notamment les plus jeunes, sont manipulés, ne savent pas ce qu'ils disent, et que certains d'entre eux veulent nous chasser d'ici pour s'emparer de notre boulangerie. « Je m'en fous de tout ça, » répliqua Mohand. « Je veux retourner en Kabylie. Oui, c'est là, mon vrai pays. Et il faut en chasser tous les Arabes. » Akli conclut à Karim. « Je n'ai pas réussi à le faire raisonner. » Il partit. « Quand ?» veut savoir Karim. « Voici une heure environ. » Pour voyager comment? Train, car ou taxi clandestin? D'habitude, Mohand et moi prenons toujours le train quand nous allons en Kabylie. C'est plus commode. Vite, dit Karim, allons-y. Quelques minutes après, la voiture de Karim court dans le trafic. Elle arrive à l'entrée de la gare où elle stationne près du trottoir. Karim et Akli en sortent et courent vers le hall. Là, ils cherchent du regard Mohand parmi les voyageurs. Ne le trouvant pas, ils vont dans la salle d'attente. Il n'y est pas. « Peut-être, conseille Akli, il faut demander au guichetier s'ils lui ont vendu un billet. » Karim considère les deux longues files de voyageurs devant deux guichets ouverts. « dit-il, « j'espère qu'ils nous permettront de demander à l'employé, sans croire que nous voulons les précéder pour acheter des billets. » Karim s'approche de la première file. « Pardonnez-moi s'il vous plaît, je désire uniquement demander une information au guichetier, savoir si le frère de mon ami, il indique Akli, est venu acheter un billet. Il a fui de la maison et nous voulons le retrouver. » Après un bref instant de méfiance et de réflexion, les voyageurs consentent. Karim s'approche du guichetier et lui pose la question en décrivant le physique de Mohand. « Je ne me souviens pas d'avoir vu un tel jeune homme. » Karim répète l'opération avec la deuxième file de voyageurs, puis avec le second guichetier. Résultat négatif. Cependant, l'employé de la gare suggère « Allez demander au bureau de police de faire un appel. » Et il indique un lieu situé dans le hall. Quelques minutes après, l'appel est effectué. On attend. Personne ne se présente. Abattu et triste, Karim et Akli ne savent plus quoi faire. Ce dernier finit par murmurer. Peut-être que Mohand a soupçonné que je pouvais venir à la gare pour l'empêcher de partir, et alors il a préféré prendre un autre moyen de transport. Possible, dit Karim. En sortant du hall de la gare, Karim s'apprête à ouvrir la porte de sa voiture quand, levant par hasard les yeux vers l'extrémité du mur de face de la gare, il s'écrie avec joie « Monde, il est là !» Akli regarde dans la direction indiquée et voit son frère assis sur le trottoir, le dos courbé, le regard vers le bas. Akli et Karim courent jusqu'à le rejoindre. En les voyant arriver, Mohand se lève d'un bond et les regarde très surpris. Une fois les trois réunis, Karim intervient d'une voix très affectueuse. « Mohand !» L'interpellé le dévisage, troublé, méfiant. Karim n'en tient pas compte et poursuit du même ton. Akli m'a dit ce qui s'est passé. « Permets-tu que nous en parlions encore ?» Mohand considère Karim avec une expression résolue. « Cela ne servira à rien, » répond-il. « Ma décision est déjà prise. » Akli préfère ne pas intervenir, sachant qu'auparavant il n'avait pas réussi à dissuader son frère de partir. « Asseyons-nous, » propose Karim. Mohand demeure ferme, tout droit, tendu. « As-tu déjà pris ton billet ?» demande Karim. « Oui. » « Quand partira le train ?» « Dans quelques instants, j'attends son arrivée. » Karim et Akli s'échangent un bref regard. Karim reprend, en s'adressant à Mohand, toujours avec gentillesse. « Alors, asseyons-nous ici et parlons un peu. Tu veux bien, Mohand ?» Ce dernier, l'air encore déterminé, dévisage Karim, puis Akli, et finit par s'asseoir au bord du trottoir. Les deux autres font de même. Karim considère un moment Mohand pour savoir comment agir avec lui. L'examiné est un tout jeune adolescent au corps vigoureux, au beau visage, au regard franc, embelli par une jolie teinte verdâtre des prunelles. Il a l'air intelligent, estime Karim, et est sensible. Dans ses yeux, je ne vois pas de haine, uniquement de la douleur, celle qui se manifeste quand la dignité est atteinte. Alors Karim reprend. Puis-je savoir le motif de ta décision, Mohand ? Ici, déclare ce dernier avec conviction, nous ne sommes pas chez nous. Comment ça, pas chez nous ? Demande Karim, étonné. « La Kabylie est notre pays. Ici, c'est le pays des Arabes. Excuse-moi de te le dire, mais c'est ainsi. » Karim reste étonné par cette affirmation. Cependant, il est touché par la délicatesse de la seconde phrase de Mohand. Karim réfléchit rapidement et réplique. « Allons, Mohand. L'Algérie tout entière est ton pays. Elle est celui de tous les Algériens, sans distinction aucune. Nos grands-parents se sont battus pour elle, tous, sans exception. » Je te dirai même plus, la planète entière est ton pays, notre pays à tous. Seuls les ignorants manipulés et les salopards pathologiques s'arrogent la propriété exclusive d'un morceau de terre au détriment des autres. « Je le croyais, » rétorque Mohand, « mais trop de choses sont venues montrer le contraire. Les massacres de jeunes Kabyles par la gendarmerie en 2001 et tout le reste m'a ouvert les yeux. Désormais, la seule solution est l'indépendance de la Kabylie, chacun chez soi. Et mon chez-moi, c'est la Kabylie. » Cependant, objecte Karim, avant cela, en octobre 1988, des jeunes furent également tués par des militaires. Ils étaient algérois. En Kabylie comme à Alger, la répression n'a pas assassiné des Kabyles parce que Kabyles et des Algérois parce qu'Arabes, mais des citoyens algériens qui dénonçaient la dictature et voulaient la justice sociale dans tout le pays. Karim attend une réponse de Mohand. Celui-ci ne réagit pas. Karim reprend, d'une voix toujours prévenante. Tu ne crois pas qu'en partant, tu tombes dans le piège des intégristes islamistes ? Que tu renonces toi-même à une partie de ta patrie, qui est l'Algérie tout entière ? Mohand garde le silence. Karim poursuit. Dis-moi, y a-t-il plus de différence entre ce que certains appellent un arabe et un kabyle, ou entre un pauvre dont le travail est exploité et un riche qui en profite ? Que ces deux-là soient ce qu'on appelle des arabes ou des kabyles ? Mohand le fixe droit dans les yeux, sans répliquer. Karim continue. Si la pauvreté de mes conditions, ici à Oran, m'oblige à aller ouvrir une boulangerie en Kabylie, laquelle serait bien appréciée par les habitants, serais-tu d'accord que j'abandonne ma boulangerie parce qu'un jeune Kabyle m'a insulté en déclarant « Hé, l'Arabe, retourne dans ton bled, ici c'est pas ton pays !» Mohand, soudain troublé, baisse les yeux, sans répliquer. Karim poursuit. Tu sais pourquoi tu as été ainsi provoqué, non ? Mohand reste immobile, Karim précise. Parce que, dans notre quartier, certains veulent s'emparer de votre boulangerie, à toi et à Akli, rien d'autre. Voilà la cause de cette histoire de Kabyle et d'Arabe. Une sordide histoire de sous, provoquée par des obsédés d'argent. Faut-il tomber dans leur jeu ? Mohand ne réplique rien, mais il semble secoué par l'argument. Karim évoque alors un autre thème. « Tu sais que ton frère Akli est amoureux d'une fille de notre quartier. et qu'il n'est pas kabyle. T'opposerais-tu à ce mariage parce que Akli est kabyle et la fille qu'il aime ne l'est pas ? Mohan garde la tête vers le sol. Karim lui laisse le temps de méditer. Un instant après, il revient à la charge. Crois-tu que tes parents seraient contents de savoir que tu as abandonné ton frère Akli à Oran uniquement parce qu'un jeune écervelé t'a interpellé comme il l'a fait ? Mohan demeure rigide, sans réaction. Cependant, sa main droite s'agite nerveusement, se fermant et s'ouvrant tour à tour. Akli et Karim le notent et s'échangent un discret regard d'entente. Ils restent silencieux, attendant, espérant voir Mohan touché par les raisonnements de Karim, ainsi que par l'attitude très triste de Akli. Brusquement, un sifflement de locomotive ébranle l'air. D'un bond, Mohan se lève. Akli et Karim l'imitent. Mohan, silencieux, totalement fermé sur lui-même, le regard droit devant lui, se dirige résolument vers l'entrée de la gare. Karim Akli demeure immobile, en fixant Mohamed qui s'éloigne. Soudain, Akli s'écrie, la voix altérée de douleur. « Mohan !» L'interpellé continue à s'éloigner, indifférent à l'appel désespéré. « Mohan !» répète le frère aîné d'un ton poignant. « Mohan, mon frère !» Soudain, Mohan s'immobilise. Akli et Karim attendent, extrêmement tendus. Un autre long sifflet de la locomotive retentit. Mohan se retourne d'un coup vers son frère et le regarde. Le visage d'Akli est d'une infinie désolation, d'une pâleur effroyable, méconnaissable tant ses traits sont affreusement tirés. Des larmes perlent dans ses prunelles. Brusquement, Mohan se précipite éperdument vers son frère aîné et l'enlace de toute sa force en le serrant contre lui, puis éclate en sanglots. Quelques minutes après, la voiture de Karim s'arrête près du rideau fermé de la boulangerie. En sortant du véhicule, Karim, Akli et Mohan trouvent une longue file d'attente composée d'hommes et de femmes. Ils accueillent avec soulagement et plaisir les nouveaux arrivés. Une des femmes lance joyeusement à Akli et Mohan. Nous avons lu l'annonce sur le rideau. Nous informons de votre absence. Cependant, nous étions inquiets pour vous. Et pour notre pain ? Lance d'un ton plaisantin un vieil homme en se caressant le ventre proéminent.